parlent comme ils vivent. Et d'autres qui vivent comme ils parlent, on esquive pas les balles. Si c'est le cas, c'est du bol. Donner, c'est donner, et reprendre, c'est du vol. Tu prends un chrome, tu coules, t'as vesti, c'est cool. Là, tu fais du crawl, c'est 5-0-18, c'est chacun son rôle. La roue tourne comme celle de la foire du trône. Remiras, c'est cité Carter, deux mondes de schlag, ils connaissent par cœur le même parcours. Pour un kiff ou plus, tu changes de partenaire. Et ce qui paraît, je suis une galère, mais aujourd'hui, je touche un salaire. Tu parles trop, on t'arrache les molaires. Ma queue lâche des molars, j'ai les couilles en colère. Un chèque, garde tes polars, j'ai mon polaire. J'tolère pas la violence, mais comme un boum boum, c'est gratuit. La basto, c'est gratos. Boum. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges, je me suis percé. Fais tourner la tige. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges, je me suis percé. Fais tourner la tige. Mais wesh, mon sauce, là, c'est pas shot là. Si, si, on dirait c'est lui là. Chat, tu te caches où en ce moment? J'ai pas quitté le Diecard, non, c'est le Diecard qui m'a quitté. Les bâtards veulent que je fasse la charité. Là où le mensonge vaut plus cher que la vérité. Quand j'ai pas, je vole. Quand je donne, c'est de bonté. T'es en danger, tu demandes de l'aide. C'est tout le monde qui rigole, qui picole. Certains sur place et d'autres décollent. Chante la 2009, j'aurais pu dire que j'ai 2000 refs. Le temps passe, il m'en reste 9. Là où on marche, certains n'ont pas pied à papier. J'ai des uns qui ont pas de papier. Si t'es mal à droite et puis je suis mal à gauche. Entre nous c'est la guerre, t'es mal à gauche. Je chuchote là, tu fais le macro. À la rue on sert plus vite que le McDo. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges je me suis percé. Fais tourner la tige. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges je me suis percé. Fais tourner la tise. Franchement je veux bien. À part ça t'as sorti des nouveaux morceaux ou quoi? J'opéra, pèse pas et pas opéra. Ma zig c'est de la drogue, les schlags bougent comme Shakira. Tu peux miser ma zig me, c'est du 18 contre 1. C'est un pour tous et tous contre 1. Tu veux savoir ce que je fais, tu veux savoir ce que j'ai. J'taffe à plein temps, je peux pas prendre congé. À ce qui paraît j'ai changé. Eric Spano, je voulais mon gâteau. Merde, le ghetto l'a mangé. C'est chacun pour sa poire, on joue plus au pire. Ça détaille dans le square, si c'est ta soirée. Et ben c'est ma journée percée. À force de tourner t'es percé. Percé par les sirènes de flics, à 15 piges je me suis percé. Fais tourner la tige. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges je me suis percé. Fais tourner la tige. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges je me suis percé. Fais tourner la tige. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges je me suis percé. Fais tourner la tige. Certains prétendent que je peux percer, percer. C'est la vie avant le rap que je veux percer, percer. Par les sirènes de flics, à 15 piges je me suis percé. Fais tourner la tige. Forms.